Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les origines du commerce entre Français et Autochtones au 16e siècle. Une fourrure. Un miroir. Deux fourrures. Deux miroirs. Sans fourrure. Sans miroir. Marché compris. Parce que je viens de le fourrer, moi, là. Au-delà du trait d'humour et de la caricature, avec son sketch de 1988, L'histoire du Québec, le groupe Rock et Belles Oreilles met le doigt sur un aspect fondamental du commerce qui va très vite prendre forme entre Français et Autochtones de ce côté-ci de l'Atlantique. En échangeant des fourrures contre des miroirs, contre des perles de verre, par exemple, Français et Autochtones ont chacun l'impression de faire de bonnes affaires. Et c'est donc par le commerce que vont se tisser les premiers liens entre Européens et Autochtones en Amérique du Nord, et ce, dès le 16e siècle. Alors, c'est par le truchement des pêcheurs que de contact avec les Autochtones à l'est. Dans le nord-est, c'est fait, non? Les premiers contacts. Oui, c'est par le truchement. Il y a eu des rapports assez étroits. D'ailleurs, ça commence avec les Basques qui viennent à raison de plusieurs milliers chaque été dans le détroit de Belle-Île, qui ont des contacts avec les Inuits, des contacts souvent difficiles d'ailleurs, mais néanmoins, on se rencontre, on se voit et on commerce. Ensuite, avec les montagnais, puis ultérieurement, les pêcheurs européens qui viennent dans le Golfe vont, en débarquant sur les côtes, entrer en contact avec les Indiens, vont aussi travailler avec les Indiens, vont aussi souvent embaucher des Indiens. Quand Cartier vient vers 1534, là, il va décrire la présence de plusieurs centaines de navires. Hein? Quand Cartier rentre dans le Golfe, il voit des bateaux qui sortent du Golfe arrondi. Cartier, il est le premier à venir officiellement, mais les navires de pêcheurs venaient depuis très longtemps. Il parle de plusieurs centaines de navires, puis quand il rencontre des Amérindiens, il manifeste que ces Indiens-là ont déjà rencontré des bateaux européens parce que ils montrent des croix ou encore des fourrures au bout des bâtons et signifie qu'ils veulent commercer. Donc, il y a déjà une tradition de commerce qui est implantée en 1534. Les historiens Denis Vaugeois et Denis Delage à l'émission Les Indiens d'Amérique en 1991, pour remonter aux origines du commerce entre Français et Autochtones dans le Nouveau Monde, je reçois Laurier Turgeon, qui est professeur d'histoire et d'ethnologie à l'Université Laval et qui vient de faire paraître le livre Une histoire de la Nouvelle-France, Français et Amérindiens au 16e siècle. Laurier Turgeon, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, Laurier Turgeon, vous proposez une nouvelle lecture, au fond, de l'histoire du 16e siècle sur ce qui deviendra la Nouvelle-France. Vous vous intéressez davantage aux objets, ce que vous appelez les objets, plutôt qu'aux grands personnages, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce que ça permet, cette nouvelle manière d'aborder l'histoire, de faire voir? J'ai opté pour une étude des objets parce que je voulais démontrer que les objets, comme les personnes, communiquent. On ne fait pas que s'enrichir avec des objets, on communique des émotions, un attachement affectif. On développe des alliances aussi, on noue des relations sociales et des relations politiques. Et on établit aussi, on négocie des rapports de force. Et donc, j'ai pensé que ce serait intéressant de mettre de l'avant les objets plutôt que les personnes, dans ce cas-ci, pour démontrer, en fait, l'intérêt de ces objets dans l'histoire des relations humaines. Et puis, c'était d'autant plus justifié dans ce cas-ci qu'on n'a pas beaucoup d'écrits pour le 16e siècle. Les archéologues ont fait beaucoup de fouilles archéologiques sur cette période et donc nous disposons de beaucoup d'objets pour faire cette étude. Et en plus, les Français et les Amérindiens, au début, ne connaissaient pas la langue de l'autre et ont eu recours aux objets pour communiquer, finalement. Oui, c'est intéressant. L'objet qui nous parle, qui témoigne de la vie humaine, de la relation entre les hommes. Et dans ce cas-ci, effectivement, c'est la seule trace qui reste, alors qu'il n'y a pas d'écrit. Vous en avez choisi quatre, par ailleurs, quatre objets ou quatre produits dans ce livre-là. La morue, le castor, le cuivre et les perles. Pourquoi ces quatre produits-là? Essentiellement parce que ce sont les objets qui ont participé le plus aux échanges entre les Français et les Amérindiens. J'ai opté pour les objets finalement qui étaient les plus significatifs et qui ont eu, je crois, le plus d'impact sur les uns et les autres. Et chacun, puis on va le voir dans les minutes qui viennent, mais chacun de ces objets est lui-même porteur d'une histoire assez riche d'ailleurs. Il y a comme des chapitres à chaque fois qui s'écrivent. Oui, alors justement, disons l'approche que j'ai privilégiée, c'est un peu celle de la biographie des objets, plutôt que de faire la biographie des personnes. De toute façon, on connaissait bien Cartier, donc ce n'était pas nécessaire de refaire la biographie de Cartier. Mais par les objets, j'ai pu essayer de mieux comprendre d'ailleurs les relations entre les Français et les Amérindiens, surtout un peu avant Cartier, mais aussi après Cartier et entre Cartier et Champlain. Ayant doublé un cap de terre qui est à une lieue de Blanc-Sablon, il y a un havre et passage nommé Les Islettes. C'est la baie de Bras d'Or, qui est meilleure que Blanc-Sablon. Et là se fait grande pêcherie. Cartier ne nomme pas les navires, il ne dit pas le nombre des navires, comme si tout le monde le savait. Il résume seulement la situation. Là se fait grande pêcherie. Et un peu plus loin, quelques jours plus tard, il ajoute incidemment « Étant à Isselle-Rivière, nous aperçûmes un grand navire qui était de La Rochelle, qui avait passé la nuit le havre de Brest, où il pensait aller faire sa pêcherie, et ne savait où ils étaient. Nous allâmes à bord avec nos barques et le mîmes de dans un autre havre, à une lieue plus à ouest, lequel, je pense, l'un des bons havres du monde, et y celui fut nommé le Havre Jacques Cartier. » Pierre Perrault, lisant un extrait du journal du premier voyage de Jacques Cartier à l'émission Cartier le fleuve, diffusée en 1984, les écrits de Jacques Cartier montrent assez clairement, Laurier Turgeon, qu'au moment où Cartier fait son premier voyage officiel, en tout cas au Canada en 1534, il connaît, les Européens connaissent déjà notre territoire, pratiquent la pêche, on l'entendait dans l'extrait, et on peut donc déduire qu'à cette époque, déjà, il y a commerce entre Français et Autochtones. Cartier en parle d'ailleurs dans d'autres passages de son journal. À quand remonte ce fameux commerce, ces liens commerciaux entre Français et Autochtones de ce côté-ci de l'Atlantique? Oui, alors, dans les archives françaises, les premières mentions d'armement pour la pêche à la morue, on les retrouve à Dieppe en 1508, Rouen 1510, après ça Bayonne 1512 et puis Bordeaux 1517, La Rochelle à peu près la même époque. Donc on voit que l'armement pour la pêche à la morue a commencé dès la fin de la première décennie du 16e siècle et commence à se développer pendant la deuxième décennie. À peu près tous les grands ports français dans les années 1510-1520, arment déjà des navires pour Terre-Neuve. Alors, on sait très bien que Cartier a recruté beaucoup de pêcheurs de Saint-Malo pour ses voyages, puisque on retrouve dans les archives du Parlement de Bretagne une ordonnance qui interdit aux armements de morutiers de recruter des pêcheurs avant que Cartier ait pu recruter tous les membres de son équipage. Donc, on comprend très bien qu'il y a un nombre important de pêcheurs sur les navires de Cartier. Et s'ils les recrutent, c'est qu'ils sont venus déjà, qu'ils connaissent le territoire, minimalement. Oui, absolument. Et puis, ça semble assez évident que ce sont les pêcheurs qui ont guidé Cartier plutôt que le contraire. Ouais. Et il y a de la pêche, ça c'est établi. C'est vraiment le début, ça, la pêche. Donc, début 16e siècle, les premières pratiques commerciales, c'est des pêcheurs européens qui viennent pêcher ici. Ouais. On peut déduire que très vite, ils vont être forcément en contact avec les populations locales, avec les populations autochtones, qu'il y aura des liens qui vont s'établir, non? Oui, absolument. Alors, on n'a pas beaucoup de traces précises dans les archives de ces contacts, mais on voit revenir petit à petit des fourrures, notamment des peaux de phoques d'abord, des peaux d'orignaux, de caribous, pas beaucoup le castor au début, mais on voit qu'il y a des contacts, des échanges, mais qui se font à petite échelle. Ouais. C'est un peu ce qu'on appelle le commerce de pacotille. Ce sont des pêcheurs, des officiers mariniers qui vont échanger les biens qu'ils ont à bord du navire contre des objets avec les Amérindiens. Puis des fois, ils vont convoquer, ils vont mettre à contribution les Amérindiens qui vont, des fois, surtout les Basques, pour la chasse à la baleine et la fonte des huiles, pas pour la chasse, mais pour la fonte des huiles. Les Amérindiens sont très impressionnés par le fait que ces gens-là puissent attraper des baleines. Et on a des traces, dans les années 1540, 1550, où les Basques vont nous préciser qu'ils ont, y a des Amérindiens qui les ont aidés à fondre les graisses de baleine. Et de fait, vous me parlez de 1540, 1550, ça, c'est juste après que Cartier soit venu. C'est dans cette espèce de trou, là, dans notre histoire, entre Cartier et Champlain, on a souvent l'impression qu'il ne s'est rien passé, ce qui est formidablement faux, parce que ça commence au début du 16e siècle, mais quand même, le fait que Cartier vienne une première fois en 1534, ça va avoir un impact. Là. Il y aura comme une intensification, quand même, des échanges, des rapports entre Français et Amérindiens. Oui. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'à partir des voyages de Cartier, dès les années 1540, là, l'armement pour la pêche se développe à une vitesse saisissante. À Bordeaux, par exemple, on a entre 5 et 8 armements jusque dans les années 1540. Et à partir de 1560, 50-60, c'est 60 par année. Vous voyez? Et à La Rochelle, à peu près une soixantaine aussi, Rouen, plus de 100. Alors, on voit qu'il y a déjà, à ce moment-là, là, on passe de quelques dizaines d'armements à des centaines. Oui. Oui. Et cette histoire de pêche, racontez-la moi, la morue, c'est vraiment plus qu'anecdotique. D'abord, c'est le point de départ. C'est en quelque sorte le premier produit américain qui va être importé massivement en France, donc dès le début du 16e siècle. Parlez-moi de ça. Il y a toutes sortes de choses à dire, des choses cocasses, entre autres, parce que je reviens à ce qu'on entendait à l'extrait de Rock et Belles Oreilles, où la beauté de l'affaire, c'est qu'on commerce et que chacun a l'impression de vendre de la pacotille à l'autre et que l'autre est complètement ébloui par ça. Mais la morue, c'est un bon exemple. Dès le départ, les Amérindiens, les Autochtones, la morue, pour eux, c'est pas un poisson. En Europe, on est friand de ça, mais les Autochtones trouvent que c'est un poisson plutôt insignifiant, finalement. Oui, alors, dans l'escarpot, par exemple, l'escarpot le dit, les voyageurs du début du 17e siècle le répètent, que les Amérindiens sont un peu surpris de voir que les Français sont si attirés par ce poisson et qu'ils en mangent tout le temps, tous les jours. Et puis, c'est vrai que j'ai pu faire une étude des fouilles archéologiques, enfin, les rapports de fouilles archéologiques qui ont été faites depuis, je ne sais pas, le 19e siècle, et on retrouve pratiquement pas d'ossements de morue sur les sites amérindiens de Terre-Neuve, des provinces maritimes. Il y a juste dans le sud du Maine où on en trouve un petit peu, mais on voit que ce n'est pas un poisson qui est pêché par les Amérindiens, alors que pour les Européens, et notamment pour les Français, c'est un poisson qui est associé au Nouveau Monde, et notamment à l'abondance du Nouveau Monde, l'Eldorado. Il y a le mythe du Nouveau Monde là, qui commence à animer les Européens. Il est identifié, d'ailleurs, comme un produit des terres neuves. Absolument, oui. Alors, c'est ça qui m'a mis sur la piste, c'est que partout, dans tous les documents que j'ai pu trouver, y compris les livres de recettes de l'époque, c'est le seul poisson dont on donne le lieu d'origine. Et on dit toujours les terres neuves. Et donc, là, c'est devenu clair que c'est un poisson qui était associé intimement au Nouveau Monde. Et c'est comme ça que j'explique finalement l'engouement pour ce poisson partout en Europe, parce que c'est une façon pour eux de s'associer au Nouveau Monde et puis de consommer en quelque sorte, du moins symboliquement, le Nouveau Monde. Donc, produit fin et recherché dans toutes les capitales d'Europe, alors qu'ici, les Autochtones lèvent le nez sur cette morue-là. C'est fantastique. Une fois là, Québec, Trois-Rivières et Montréal deviennent en quelque sorte des postes de traite. Les Amérindiens, entre autres les Algonquins, les Outaouais, arrivent à ces endroits-là avec des canots remplis à ras de ballots de fourrure. Et ils descendent leur cargaison sur la grève et commencent alors ce qu'on appelle la foire des fourrures. Pendant tout le régime français, la traite des fourrures demeure l'activité commerciale la plus importante et souvent la seule. Mais la valeur totale des fourrures expédiées en France représente beaucoup moins que la valeur de l'or que les Espagnols ont tiré de l'Amérique latine. Extrait de la série que Gilles Carle réalise en 1993, Épopée en Amérique, dans lequel extrait vous entendiez l'historien Jacques Lacourcière. Le commerce des fourrures, des peaux de castor en particulier, c'est évidemment l'autre grand moteur des échanges commerciaux entre Français et Autochtones, Laurier Turgeon. Ce qui est intéressant dans le cas du castor, c'est que il sera peut-être, entre guillemets, plus structurant. En tout cas, quand on repense à notre histoire, bon, la morue, vous en avez parlé, elle est populaire en Europe. Il y a un réel... on vient vraiment pratiquer la pêche massivement ici pour nourrir l'Europe en partie. Mais ça reste, d'abord et avant tout, une ressource qu'on vient chercher, l'exploitation commerciale. Le castor, c'est plus que ça. Ça va être très, très important. Ça va participer à un moment donné, à une volonté politique d'établir une vraie colonie, d'occuper le territoire. C'est ça la première grande différence, en tout cas, non? Oui, absolument, parce que l'activité de pêche était une activité saisonnière qui se pratiquait le long des côtes et donc qui restait... par rapport à l'Amérique et puis aux projets coloniaux européens, notamment français, un peu marginal et difficile à réaliser. Alors qu'avec le développement de la commerce, du commerce des fourrures, là, ça a permis de développer les liens, les alliances avec les groupes amérindiens. Ça a permis aux Français de pénétrer à l'intérieur du continent et aussi à établir des comptoirs de traite qui exigeait un certain peuplement. Et c'est grâce au commerce des fourrures que le peuplement va progressivement se faire et que les Français vont commencer à occuper le territoire. Donc c'est vraiment grâce au castor que la colonisation, je veux dire, en termes de peuplement du territoire, va se réaliser. Et cet objet, pour reprendre votre terme, du castor, va intensifier aussi, plus que la morue ne l'avait fait, le contact. On a besoin... D'abord, on vient vivre sur le territoire et on s'associe plus étroitement encore avec les populations locales, les populations amérindiennes, dans l'exercice de ce commerce-là. Absolument, parce que, ce sont... Les Français chassent très peu eux-mêmes ou trappent très peu. Ils comptent sur les Autochtones pour trapper, rapporter les fourrures, les dépecer aussi et les rapporter à ces comptoirs de traite. Donc, ça va forcément entraîner la nécessité d'alliance entre les Français et les Amérindiens. Et ce commerce va permettre de fortifier, de négocier ces alliances, vous voyez? La mode du castor se développe en Europe, notamment par le biais du chapeau de castor, ceci va entraîner une demande croissante pour le castor, d'abord à Paris, ensuite dans les autres villes françaises, et cette mode va se répandre partout en Europe. On voit qu'elle se développe en Espagne, mais aussi c'est dans les pays. C'est du délire, tout le monde veut son... son castor, son castor. En Angleterre, le sud de l'Angleterre, la Suède même. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir une demande croissante pour ce castor, qui est destiné essentiellement d'abord à l'aristocratie, à la bourgeoisie. Le roi Henri IV achète un premier chapeau de castor en 1583. Moi, j'ai trouvé les archives. Et je pense que lui a contribué, il n'était peut-être pas le seul, là, mais lui a contribué à alimenter cette mode du castor. On termine cette émission, Laurier Turgeon, en parlant de... On va commencer par les perles, on parlera du cuivre tout de suite après, mais de deux objets, de deux produits que les Amérindiens et que les Autochtones vont vouloir posséder et qui sera un peu la monnaie d'échange des Européens contre les peaux de castor. La perle de verre, pourquoi? Bien, parce que je crois que c'est parce que c'est une matière qui n'existait pas en Amérique du Nord. Le verre n'était pas connu et fascinait les Amérindiens. De par le fait qu'on pouvait l'avoir en couleurs très variées, c'était un objet poli et rond. Ils avaient déjà la pratique d'utiliser les perles en coquillage et en pierre ou bien des fois en céramique comme ornementation corporelle. Mais ici, ils étaient devant un nouveau produit qui était luisant, qu'on pouvait avoir en un nombre illimité de couleurs. Et il venait aussi de l'Europe, donc d'ailleurs. Donc, c'était un objet qui a été identifié comme un objet exotique et qu'on pouvait porter sur le corps. Ouais. Alors, les perles ont servi d'ornementation corporelle et c'était une façon pour exprimer une sorte de, bon, une possession hein, de ces objets, parce que dès lors qu'on met un objet sur son corps, c'est que c'est une façon de dire qu'il nous appartient vraiment. Oui. Et c'est une façon d'exposer aussi ces objets exotiques qu'ils avaient obtenus, les exposer auprès des membres de leur communauté, mais aussi des communautés voisines, oui, pour exprimer là, ce lien qu'ils avaient tissé finalement avec ces gens venus d'ailleurs. Dernier objet, le cuivre. Les Amérindiens, les Autochtones sont complètement fascinés par le cuivre, mais attention, là, pas nécessairement comme bijoux, comme justement, mais le chaudron de cuivre, entre autres. Mais racontez-nous ça. Oui, alors c'est ça, c'est probablement l'objet qui est le plus recherché, encore plus que les perles de verre, parce que le cuivre a toujours été considéré comme l'objet précieux par les groupes autochtones de toute l'Amérique du Nord. Plus donc, que l'or, c'est le cuivre. Oui, absolument. D'ailleurs, Verrazzano le dit. Il a dit que lorsqu'il arrive dans la région nord-est de l'Amérique du Nord, il constate qu'ils ne sont pas intéressés ni par l'or ni par l'argent, mais par le cuivre. Et donc, c'est un objet qui est rouge, qui est dur, qui existe déjà. Il y a déjà une tradition du cuivre dans... c'est un métal précieux pour eux. Et puis là, ils peuvent l'avoir en très grande quantité et sous forme de chaudron. Le chaudron va être utilisé pour faire la cuisine, mais il sera aussi employé très largement dans des contextes de sépulture, oui, pour enterrer les gens. Et on va retrouver presque tous ces objets, notamment les objets de cuivre de cette époque, vont être enterrés à 95% avec les groupes autochtones. Oui. Ça nous amène à une dernière question. Vous parlez de ces objets enterrés. Qu'est-ce qui reste, au fond, comme trace concrète, tangible de ces objets, de ce commerce qui a existé dès le 16e siècle entre Français et Autochtones? Oui, bien, alors, justement, c'est une question intéressante parce que je pense que ce commerce se poursuit aujourd'hui. On a tendance à penser que, bon, une fois enterrés, ces objets ont été oubliés, mais pas du tout. Les archéologues les ont restitués à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Ils ont fait l'objet de centaines de fouilles archéologiques ont été intégrées dans les collections archéologiques, que ce soit les perles de verre ou le cuivre ou le métal, et puis exposées dans les musées. Et donc, il y a eu là une sorte de réappropriation de ces objets par les Euro-Canadiens et les Euro-Américains, qui en ont fait des objets de science, en quelque sorte, des objets d'archéologie, d'histoire, d'anthropologie, pour les exposer dans les musées, pour faire connaître cette histoire et les échanges entre ces groupes. Et puis, maintenant, depuis, je dirais, les années 1980 à peu près, les Autochtones réclament ces objets parce qu'ils disent qu'ils sont associés à des sépultures, ce sont des objets sacrés et qui leur ont été pris sans leur permission. Oui. Et par le biais du rapatriement maintenant, beaucoup de ces objets sont réappropriés par les groupes autochtones qui vont les utiliser pour les exposer dans leur musée ou parfois même pour les re-enterrer. Donc, au fond, l'échange de ces objets continue encore aujourd'hui. Laurier Turgeon, c'était passionnant de vous entendre, professeur d'histoire et d'ethnologie à l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.